إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui l'explication de Sharh Masail al-Jahiliya avec l'explication de Cheikh Saleh al-Fawzan. Et donc aujourd'hui c'est la troisième partie qu'on commence. Et on est toujours dans le premier point, la première Mas'ala, hein, et c'est ce qui a rapport avec le fait de, que des hommes parmi les gens de la Jahiliya prenaient des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va continuer sur ce point-là avec la suite des paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. ذي وقوله رحمه الله وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر يعني مسألة التوحيد والشرك جماعة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأخلصوا العبادة لله عز وجل وهؤلاء مؤمنون وقوم خالفوه وبقوا على شركهم وعبادتهم وما كان يعبده آباؤهم من قبل كما عليه أمم الكفر الذين يعارضون الرسل لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه آباؤهم كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا هذه مقالتهم وحجتهم وهي التمسك بما عليه الآباء والأجداد من عبادة غير الله. Donc le Cheikh il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit ce point c'est le point sur lequel les gens se sont divisés et c'est à cause de cette question là ou de ce point là qu'ils se sont séparés en mu'minin et en kafirin ou en musulman et en kuffar. Donc, il y en a qui sont devenus croyants à cause de ce point-là, et il y en a d'autres qui sont devenus mécréants à cause de ce point. C'est-à-dire, c'est la question du tawhid et du shirk. Il y a un groupe parmi les hommes qui ont cru en ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné, et qui ont accepté ce qu'il a enseigné, et qui ont cru en lui, et ils ont purifié leur adoration pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceux-là sont les croyants, tandis qu'il y a une autre catégorie des gens qui ont contredit le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont restés sur leur shirk et sur leur adoration, et qui ont continué à adorer ce que leur père adorait auparavant. Et donc ça c'est la même chose que ce que faisaient les peuples auparavant qui avaient opposé leur messager, lorsqu'ils voulaient rester sur la voie sur laquelle ils avaient trouvé leur père, et bien ils ramenaient ça comme un argument justement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Az-Zukhruf, le verset 23, il dit c'est ainsi que nous n'avons envoyé de messagers à un peuple, hein, comme avertisseur, excepté que les gens aisés parmi eux, lorsqu'ils recevaient le message, hein, ils disaient, nous on a trouvé nos pères sur une religion, sur une voie, et nous on suit leurs traces, et on suit leur exemple. Donc ça c'était leur argument, et ils disaient également aux messagers, est-ce que vous voulez nous interdire d'adorer ce qu'on a trouvé nos parents en train d'adorer? Donc c'était ça leur argument, c'était ça leur preuve, ils s'accrochaient sur ce que pratiquaient, ils s'accrochaient à ce que pratiquaient leurs grands-pères ou leurs ancêtres dans l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça fait en réalité aussi, c'est un des points, hein, une des shubuhat qu'ils utilisent pour justifier leur shirk, en disant bon, nos parents ils faisaient ça, donc c'est le haq. C'est pas parce que tes parents le faisaient que c'est le haq, hein, si c'est pas en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et ça, beaucoup de gens, même aujourd'hui, ont la difficulté à comprendre. Donc le shaykh il dit, قوله رحمه الله وعندها وقعت العداوة أي بين الموحدين والمشركين بين المؤمنين والكفار فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار فلا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فلا بد من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه السلام. أما الذين ينادون الآن بالمحاورة بين الأديان والمفاهمة بين الأديان وأنها كلها أديان سماوية، بل بعضهم يتجرأ ويقول لا تكفر اليهود والنصارى أو لا تكفر اليهود والنصارى، فهذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما جاء به القرآن، وخلاف ملة إبراهيم، وخلاف ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. Le cheikh, il dit également ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que c'est à partir de cette question-là que l'animosité et la discorde a débuté et qu'elle est apparue entre les hommes sur cette question-là, sur la question du shirk et du tawhid. Et c'est-à-dire entre les gens qui acceptent le tawhid et entre les gens qui pratiquent le shirk et qui veulent rester sur le shirk, entre les mu'minines et les kuffars. Donc le cheikh il dit il est obligatoire aux mu'minines de s'opposer et d'avoir de l'animosité envers les kuffars. Et il n'est pas permis d'aimer les kuffars, même si c'était les plus proches parents, même s'ils sont tes plus proches parents. Et il mentionne le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime hein, ceux qui s'oppose à Allah et à son messager, même s'ils étaient leur père, leur fils, leur frère ou leur tribu ou leur famille. Cela, Allah a écrit, a prescrit pour eux la foi et les a supportés par une aide venant de lui. Donc il faut absolument qu'il y ait une allégeance et un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour les mu'minines, pour les croyants, et pour Allah, pour son messager, et pour les croyants. Et c'est sur la foi qu'on se base pour établir cette wala, pour établir cette alliance, pour établir cet amour, pour établir ce rapprochement entre les hommes. C'est un rapprochement qui est basé sur l'iman billah et sur le tawhid, hein. Et ensuite, c'est obligatoire de se désavouer du kufr, et de se désavouer de ceux qui pratiquent le kufr, et qui suivent le kufr et le shirk, et qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration, c'est là-dessus que se base l'amour et l'animosité. C'est là-dessus que se base l'amour et la haine. C'est là-dessus que se base l'alliance et le désaveu. Et c'est pas sur autre chose que ça. Hein? Donc ça c'est la voix de Ibrahim alayhi salam. Le cheikh il dit aujourd'hui, on entend cet appel à un dialogue entre les religions soi-disant, dans le but d'arriver à mieux se comprendre. Et ça on l'entend, il y a des gens maintenant qui appellent à cette da'wa, hein, de soi-disant d'appeler à se comprendre et à se connaître, comme si on ne se connaissait pas déjà. Hein. On connaît nos croyances respectives, on sait nous en tant que musulmans, on connaît notre aqidah, on connaît notre religion, yani, et ceux qui sont sur le shirk parmi les mushrikines, que ce soit des chrétiens ou des juifs ou des gens qui suivent des, d'autres religions en dehors des gens du livre, on sait que leur religion c'est des religions de kufr et de shirk. Et alhamdoulilah, il y a des musulmans parmi les ulama qui connaissent ces religions-là en détail et qui savent leurs problèmes et qui savent comment les réfuter et comment les appeler à l'islam, comment leur faire la da'wah, et c'est ça qu'on a besoin de connaître. Mais en dehors de ça, de commencer à dire non, il faut tout, que toutes les religions se rapprochent entre elles, puis qu'on élimine les divergences et les différences qui existent entre nous en essayant de faire des dialogues, puis en essayant de se rapprocher, parce que soi-disant elles sont toutes des bonnes religions. Et certains vont même jusqu'à dire, certains vont même jusqu'à oser de dire que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars et qu'ils sont des croyants et qu'ils font partie des religions qui sont vraies. Ça c'est quelque chose qui est en opposition avec ce qui a été ramené par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui est en opposition avec ce qui est venu dans le Coran. Moi je me souviens même, j'ai rencontré des musulmans justement qui disait non, les juifs et les chrétiens sont pas des koufars. J'ai entendu même des convertis parfois qui étaient rentrés dans l'islam mais qui connaissaient pas très bien encore le tawhid, ils connaissaient pas très bien encore leur aqidah, et qui malgré leur conversion à l'islam continuaient encore à défendre le christianisme ou à continuer à défendre le judaïsme et à dire que c'était des croyants. Alors je leur dis, mais si c'est comme ça, pourquoi tu es devenu musulman? Hein, si tu savais que, si tu penses que ce sont des vraies religions, pourquoi t'es converti à l'islam dans ce cas-là? Tu pouvais rester juif ou chrétien et t'étais quand même sur le haq, si tu penses que c'est comme ça. Hein, alors que, Yannick, comme le chef il va le mentionner, on sait que ce sont des gens qui ont opposé le message de leur propre messager et contredit les enseignements qui sont dans leur propre livre, avant d'avoir contredit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le livre que Allah a révélé sur lui, le Coran al-Karim. D'accord? Donc, le cheikh il dit que cette idée que ces gens-là sont en train de propager, et parfois ce sont même des gens qui prétendent avoir de la science et qui se présentent comme étant des ulama, hein, parmi des gens comme Al-Qardawi ou d'autres, eh bien ils essaient de faire croire aux gens que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars et que ce sont nos frères. Hein, et ils disent des choses de ce genre. Et vous allez en entendre parmi eux qui vont dire notre animosité envers les juifs c'est uniquement pour le territoire, hein, c'est seulement pour la terre, c'est pas pour une question de religion ou de croyance religieuse ou de aqidah, on n'a pas de problème avec eux sur ça. Hein. Ou comme un parmi les Ikhwan à Montréal qui m'avait dit, on a juste 95%, on a 95% des choses sur lesquelles on est d'accord avec les juifs et on a juste un petit 5% sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc on laisse de côté le 5%, puis on s'unit ensemble par rapport aux 95% des choses sur lesquelles on est d'accord. Et subhanallah, déjà les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, ce sont les fondements de cette religion, ce sont les bases de cette aqidah, ce sont les bases du tawhid. C'est les choses sur lesquelles on diverge avec eux, c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Donc est-ce que on peut dire que on a juste 5% sur lesquels on n'est pas d'accord, puis laisser ce 5% là de côté, puis s'unir sur alors ça, si quelqu'un comprend la religion de cette manière là ça veut dire il a compris la religion complètement à l'envers, et ça c'est des gens qui se présentent comme étant des douates et qui prétendent vouloir appeler les gens à l'islam ou montrer une belle image de l'islam. Mais la façon de donner une belle image de l'islam, c'est de présenter l'islam tel qu'elle est. C'est pas d'essayer de déformer l'islam pour donner une image qui est fausse en réalité. Hein? Parce que l'islam, c'est une religion qui est beau, qui est belle. Hein? Elle est belle cette religion. Elle n'a pas besoin d'être déformée, hein? pour paraître belle, pour qu'on la présente aux gens. Elle est claire, elle est belle. Et si on explique aux gens le tawhid et la réalité de cette croyance, il n'y a personne qui peut s'y opposer, il n'y a personne qui peut la rejeter. Donc, le cheikh il dit, cet appel au rapprochement, au dialogue soi-disant, entre les différentes croyances et les différentes religions, c'est contraire à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est contraire à ce que le Coran a amené, c'est contraire à la voix d'Ibrahim alayhi salam, Et c'est la voie d'Ibrahim que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et c'est cette voie-là que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suivait. Et il nous donne l'exemple dans le verset 23 dans sourate Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Donc le cheikh il dit: oh vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque les prend pour alliés d'entre vous, alors ceux-là sont les injustes. Hein? Bien entendu, yani, les ulama ils clarifient dans le contexte, hein, dans certains contextes, que le fait qu'on les prenne pour ennemis, et le fait qu'on a de l'animosité envers les koufars, les mouchriquins, qui sont, même s'ils sont parmi nos frères, ou nos pères, ou nos proches, hein, eh ben, ils ont expliqué que ça, c'est, yani, ça veut pas dire que on doit avoir un mauvais comportement envers eux. Ils ont expliqué que même si ce sont des mouchriquins, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Donc même si tes parents sont des koufars et des mouchriquins, et qu'ils t'ordonnent ou qu'ils te demandent de faire quelque chose pour eux qui ne rentre pas dans la désobéissance d'Allah, tu vas les obéir dans le bien, hein, et tu vas agir avec eux avec un bon comportement, sauf que dans ton cœur tu les détestes pour leur kufr et leur shirk. Et s'ils t'ordonnent de désobéir à Allah, ou qu'ils t'ordonnent de commettre le shirk, alors dans ces choses-là, tu vas refuser de leur obéir, parce que ça c'est contraire à l'islam. Mais bien entendu, il faut comprendre le principe de base, c'est-à-dire de s'opposer et d'avoir de l'animosité contre ceux qui s'opposent au tawhid, et qui défendent le shirk, et qui combattent le message des messagers d'Allah. La même chose également envers les mouchriquins et les koufars parmi les juifs et les chrétiens. Hein, on les déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur shirk, à cause de leur kufr, mais en même temps, hein, on ne va pas transgresser contre eux et dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, tant que ce sont des gens avec qui on a des ententes et qu'on est en paix avec eux, eh bien on ne va pas leur faire de l'injustice ou du mal à cause de ça. Donc tout ça c'est de le comprendre dans le contexte, mais c'est de comprendre la base de qu'est-ce que ça signifie d'avoir cette foi en le tawhid et d'avoir cette animosité envers ceux qui s'opposent au tawhid. وهؤلاء يقولون اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان كلها أديان من عند الله ونتفاهم فيما بيننا ونتعاون ولا تكفرون اليهود والنصارى. هذه دعوة الآن قائمة وهي قضاء على الولاء والبراء بين المؤمنين والكفار، وكل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به، فمن لم يؤمن به فهو كافر. واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم فهم كفار، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا الخروج عن ملته، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. دونك le cheikh explique qu'il y en a qui disent aujourd'hui, les juifs et les chrétiens sont des gens du livre, hein, sont des gens qui ont la foi. Ils disent que ce sont des gens du livre, sont des gens qui ont la foi. C'est vrai qu'ils ont la foi, mais ils ont la foi en qu'est-ce qui est faux. Hein. Leur foi, ce n'est pas une foi qui est vraie, c'est une foi qui est fausse. Une foi qui est basée sur la foi en le shirk, la foi en le kufr. Hein. Donc, de dire quelqu'un est croyant, ça ne justifie pas, ça ne veut pas dire qu'il est sur le haqq. Hein, quelqu'un qui, par exemple, les bouddhistes, ils croient en quelque chose. Les hindous, ils croient en quelque chose. Les chrétiens, ils croient en quelque chose. Les juifs croient en quelque chose. Donc, si tu dis ça dans ce sens-là, tu dis oui, ils sont des croyants. Mais ils croient en qu'est-ce qui est batil, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Donc, ils ont cru en quelque chose. Mais ils ont cru en qu'est-ce qui est batil. Donc leur foi leur sert à rien. Hein? Donc de dire ce sont des croyants, ça ne suffit pas. Hein? Il faut expliquer que ce sont des gens qui croient en ce qui est faux et que ce sont des koufars, des mouchriquins. Et donc, ceux qui disent ce sont des gens qui ont la foi ou ce sont des religions qui viennent d'Allah, hein, et on doit essayer de se comprendre et de collaborer entre eux et nous. Et aller essayer de faire des ententes avec eux dans les choses commerciales ou dans les choses économiques, hein, tu veux faire des affaires du commerce avec des juifs ou des chrétiens, dans qu'est-ce qui est halal, ça c'est pas interdit. Le problème c'est quand tu veux commencer à faire des ententes avec eux et te rallier avec eux et essayer de te mettre d'accord avec eux sur des principes de la religion, sur des choses qui ont rapport avec la aqida et les principes de l'islam, de remettre en question des choses religieuses qui sont dans nos croyances ou dans notre pratique à cause de ces gens-là, ça c'est pas permis. Hein? Et c'est ça malheureusement à quoi ces groupes-là et ces individus-là sont en train de nous appeler. Et ça c'est pas permis pour un musulman. Donc, ceux qui disent on va collaborer entre nous, hein, et on va pas dire que les juifs et les chrétiens sont des koufars, Cheikh dit ça c'est une da'wa qui existe actuellement, qui est établie, et ça c'est dans le but de détruire ce principe de al-wala wal-bara entre les croyants et les koufars, hein, entre les musulmans et les koufars. Donc, le Cheikh explique pour faire comprendre la question, il dit toute personne qui n'a pas cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. Toute personne qui n'a pas cru en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. Et personne n'a le droit de refuser ou de ne pas croire en lui. C'est pas permis à personne de rejeter la foi en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque n'a pas cru en lui, c'est un kafir. Et les juifs et les chrétiens qui ne croient pas en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ce sont des koufars. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim, donc c'est un hadith sahih, dans lequel il dit, par celui qui tient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en sa main, personne n'entendra parmi les gens de cette umma parler de moi, parmi les juifs ou les chrétiens, il entend parler de moi, mais il meurt sans avoir cru avec le message que Allah m'a envoyé transmettre, ils n'ont pas cru en ça, ils n'ont pas cru en ce que j'ai ramené d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'ils seront parmi les gens de l'enfer, s'ils meurent sans avoir cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce hadith, il est clair. Ce hadith, il est clair que tout juif ou tout chrétien qui a entendu parler de l'islam, qui a entendu parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui meurt sans avoir accepté l'islam, sans avoir dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah », et bien qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Et donc, après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à quelqu'un de sortir de sa voie et de prétendre qu'il y a d'autres religions de vérité en dehors de celle qui est ramenée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même si Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même. Et ça nous fait comprendre un point important aussi, c'est que on dit aujourd'hui, les juifs et les chrétiens, leur livre, il est falsifié. Hein, leur livre, il est pas authentique. Et puis c'est vrai, il y a des choses qui ont été rajoutées dedans, il y a des choses qui ont été enlevées dedans. Mais même si leur livre était intact et correct à 100%, on n'aurait pas le droit de le suivre. Et il ne serait pas justifié non plus de les suivre également, puisque même si Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دين صحيح غير دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Le Cheikh il dit, après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de religion qui soit vraie et correcte autre que l'islam. Et le verset 85 dans Surat Ali Imran prouve ça. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Et c'est triste de d'avoir à expliquer ces choses-là, parce que c'est des choses élémentaires, des choses de base. Mais malgré tout, on remarque et on constate que à notre époque, il y a un groupe qui sont en train d'appeler les musulmans à des choses qui sont contraires à ce principe-là. Ils sont en train de dire aux musulmans les juifs et les chrétiens sont des croyants et ce ne sont pas des kuffars, etc. Donc quand on entend des gens qui disent des choses comme ça, et qu'ils le disent, non seulement qu'ils le disent entre eux, mais ils le disent à la télévision, ils le disent dans les journaux, ils le disent dans les magazines, ils le disent à la radio, ils le disent partout. Donc ça devient du devoir des musulmans maintenant, des du'ats et des ulama et de ceux qui ont la possibilité d'enseigner et de faire connaître aux musulmans les principes de leur religion, ça devient un devoir pour eux, une obligation pour eux de leur clarifier ces principes-là et de réfuter ces gens-là qui sont en train de mentir au sujet d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa charia et de sa religion. Parce que sinon, ces idées-là, elles se propagent parmi les musulmans, elles s'incrustent dans leur cœur, et puis après, ils ne réalisent pas, mais ils sont en train d'opposer un des fondements, un des principes fondamentaux de l'islam, et même que ça fait partie des nawaqid de l'islam. Man lam yukaffir al-mushrikin fa huwa kafir. Hein? Ça fait partie des 10 choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Celui qui ne déclare pas le mushrik comme étant un kafir, alors il devient lui-même un kafir. C'est-à-dire, si quelqu'un, il doute de la mécréance des juifs et des chrétiens, ou qu'il refuse de dire que les juifs et des chrétiens sont des kuffars, eh bien, il devient lui-même un kafir. Hein? Alors, c'est d'appeler les musulmans à la mécréance que de leur enseigner des croyances pareilles. Le cheikh dit, فهذه دعوة باطلة. تعقد لها الآن مؤتمرات وندوات. وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان يسمونه الحوار بين الأديان سبحان الله حوار بين إيمان وكفر بين شرك وتوحيد بين أعداء الله وأولياء الله لشيخ الزي ça c'est une دعوة qui est fausse. Il dit aujourd'hui ils sont en train de faire des séminaires et des conventions internationales parfois même sur ce thème. Hein? Ils dépensent des sommes immenses d'argent pour appeler à ce qu'ils appellent le rapprochement entre les religions et ils l'appellent le dialogue, le dialogue entre les religions. Qu'est-ce que ça implique ça, le dialogue entre les religions? Ça veut dire on est en train de dialoguer pour voir si on peut faire des compromis entre nous. Si on est capable de faire des compromis entre nous sur les questions de notre foi ou de notre religion. Pour voir si peut-être on s'est pas trompé, peut-être s'il n'y a pas des choses qui sont pas correctes dans notre religion. Ou bien on leur dit, vous êtes correct, vous êtes bon. Mais en échange, vous nous dites, nous aussi qu'on est correct et qu'on est bon. Hein? Donc ça c'est des exemples. Donc le cheikh dit subhanallah, il dit, est-ce qu'il peut y avoir ce genre de dialogue-là entre la foi et le kufr, entre la foi et la mécréance, entre le shirk et le tawhid, entre les ennemis d'Allah et les alliés d'Allah? Thumma qala al-shaykh. ثم قال الشيخ رحمه الله il faut pas s'étonner nous alhamdulillah on explique nos principes et notre croyance et notre foi telle qu'elle est dans le Coran et dans la Sunna et les juifs et les chrétiens on les voit même s'ils prétendent qu'ils sont d'accord avec les dialogues et toutes ces choses-là et ces rapprochements dans la réalité eux ils disent la même chose à propos des musulmans et je me souviens même quand je me suis converti à l'islam au tout début Ma mère est allée voir un prêtre pour essayer de demander qu'est-ce qui allait arriver de moi si du fait que j'étais devenu musulman est allée voir le prêtre parce qu'elle s'inquiétait puis elle essayait de me faire revenir à la religion catholique. Eh ben, elle a demandé au prêtre, elle a dit mon fils il est devenu musulman, qu'est-ce qui va arriver de lui? Le prêtre lui a dit madame, votre fils il va aller en enfer. Donc c'est pour vous dire Yanni, ça c'est la croyance. Et après, ma mère, ça l'a fait réfléchir. Et puis par la suite, elle s'est convertie à l'islam, alhamdulillah. Donc c'est pour dire, ces gens-là, ils ont cette wala et cette bara sur leur croyance de kufr et de shirk qui est fausse, comme nous, on a cette wala et cette bara basée sur le tawhid et sur le haq, sur la vérité. Il ne faut pas donc être complexé par rapport à cette attitude et par rapport à ses croyances et ses fondements. Il faut au contraire être ferme et être déterminé là-dessus et être convaincu yani, de notre position. ثم قال الشيخ رحمه الله ولأجلها شرع الجهاد قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالواجب علينا نحو الكفار ثلاثة أمور الأمر الأول عداوتهم لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني دعوتهم إلى الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر واجب على المسلمين. للشيخ الذي Puis ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, et c'est pour cette cause-là, c'est pour cette raison-là, c'est-à-dire pour le tawhid, par rapport au tawhid et au shirk, que Allah a légiféré le jihad. Hein? Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 39, dans Surah Al-Anfal, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Hein? Et on a expliqué que le mot fitna dans ce verset-là, ça a été expliqué par, comme étant le shirk. Donc combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de choses qui soient adorées en dehors d'Allah, ou qu'on associe quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que la religion tout entière soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'obligation envers les kuffars est de trois. La première obligation, c'est l'animosité envers eux. Parce que ce sont des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des ennemis de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième point, c'est de les inviter à la foi. De les inviter à suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une obligation pour les musulmans, de leur faire la da'wah. Et ça, malheureusement, on a beaucoup de manquements sur ce point-là. Il y a très peu de musulmans qui font leur devoir par rapport à cette da'wah. Premièrement, à cause du manque de science, du manque de connaissance des fondements du tawhid. Hein. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas sa religion, il ne peut pas l'enseigner aux autres, il ne peut pas l'expliquer aux autres. Celui qui n'est pas capable de l'expliquer, il ne peut pas faire da'wah. Donc ça, c'est le premier problème, puis aussi des fois, le manque de compréhension et de connaissance de la croyance et de la mentalité des autres, des gens qu'on veut appeler à l'islam. Donc si tu veux appeler quelqu'un à l'islam, il faut connaître sa croyance, il faut connaître sur quoi il se tient, pour être capable de réfuter ses arguments et pour être capable de clarifier les points qu'il a besoin de clarifier dans son esprit. Et c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen pour appeler les gens du livre à l'islam, il leur a dit, je t'envoie vers les gens du livre, hein, et sache donc que tu dois les appeler premièrement à la ilaha illallah, ainsi de suite. Donc c'est pour faire comprendre que lorsque tu t'adresses à des gens, il faut que tu saches un minimum de leurs croyances et de leurs principes, pour être capable de les convaincre sur les choses qu'ils ont besoin de connaître. Donc ça c'est une obligation et c'est notre devoir par rapport à la da'wa. Ensuite, al-amru al-thalith, jihaduhum idha du'u ila l'islam wa abaw fal-wajib jihaduhum wa qitaluhum. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fal-marhalatu al-akhira ma'ahum al-qital, idha kana al-muslimun yutiquna al-qital. Qala ta'ala faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآية، هذه الآية فيها بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام، وأنها إزالة الشرك حتى لا تكون فتنة، والمراد بالفتنة الشرك، أي حتى لا يوجد شرك ويكون الدين كله لله. هذا هو المقصود من الجهاد، ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء على الممالك وحصول الثورة، وليس هذا هو المقصود. المقصود إعلاء كلمة الله وإزالة الشرك من الأرض، هذا هو المقصود. Donc le Cheikh explique, et comme dernière chose par rapport à l'obligation qu'on a envers les kuffars, c'est de lutter et de combattre lorsqu'on les a appelés à l'islam, s'ils refusent d'accepter l'islam. Ça c'est l'obligation du jihad et du combat envers les gens qui restent sur le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 29 dans surat al-anfal, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk ou de fitna, et que la religion soit toute entière pour Allah. Donc cette étape c'est la dernière étape, et c'est le combat, hein, c'est le combat. Et ça c'est si les musulmans ils ont la capacité de combattre. S'ils n'ont pas la capacité, hein, comme c'est l'état des musulmans actuellement dans le monde, et bien dans ce cas-là, ils sont excusés de ne pas combattre les kuffar et les mushrikin à cause de leur shirk. Hein. Et quand on parle du djihad, c'est bien important de faire comprendre aux gens, parce qu'à cette époque, il y a beaucoup d'ambiguïté et il y a beaucoup de choses qui ont été déformées de la réalité du djihad dans l'islam. dans les médias de la part des kuffars et de la part également des groupes de bid'ah parmi les khawarij et les gens de les groupes de jihadiyya qui déforment la réalité de cette religion et ils essaient de faire comprendre que les attentats terroristes et que les coups d'État et les attentats kamikazes, les attentats suicides et tout ça, qu'ils essaient de faire comprendre que c'est ça l'islam, que c'est ça le djihad, alors qu'en réalité ces choses-là n'ont rien à voir avec le djihad et n'ont rien à voir avec l'islam. Et alhamdoulilah, les ulama ont clarifié ça dans leurs fatawa, dans leurs livres, dans leurs écrits. Et une chose importante à comprendre aussi, c'est que le djihad, c'est pas quelque chose qui est apparu au XXe siècle aujourd'hui. C'est dans le Coran, le mot djihad il est écrit, et dans les hadiths, le djihad il est mentionné, c'est clair. Et dans les livres de fiqh, hein, depuis des siècles, hein, depuis plus de 1400 ans. Donc ceux qui parmi les musulmans essaient de déformer la réalité du mot djihad pour essayer de faire croire que non, le djihad c'est seulement djihad ou nafs, c'est juste que tu combats tes passions et tes désirs et que tu luttes contre tes tentations. Ça c'est une forme de djihad parmi les formes de djihad, mais il ne faut pas nier la réalité de ce qui est mentionné comme djihad dans le Coran et dans la Sunna en même temps, pour essayer de faire plaisir ou de nier la réalité, pour faire plaisir aux kuffars ou pour nier la réalité hein, par rapport au djihad. Donc, alhamdoulilah, on expliquait, le djihad il est mentionné dans les livres de fiqh, avec les règles, avec les conditions, hein, quand est-ce qu'on peut le faire, quand est-ce qu'on ne peut pas le faire, où est-ce qu'on peut le faire, c'est quoi, hein. Et parmi les conditions, bien entendu, c'est qu'il soit fait avec le dirigeant musulman, et donc c'est le dirigeant qui s'occupe du djihad, c'est lui qui décide quand est-ce qu'on est apte à le faire, quand est-ce qu'on le fait, et c'est lui qui organise l'armée, c'est lui qui organise les combattants, c'est lui qui leur procure les armes, c'est lui qui donne les armes à l'armée, etc., etc. Donc c'est le chef de l'État qui est responsable de ces choses-là. C'est pas des petits groupes armés qui s'organisent là comme ça en secret, clandestin, et puis qui essaient de faire des trucs dans les caves, et puis après ils sortent avec des armes pour attaquer les innocents et faire du mal et du désordre sur la terre, hein, ou mettre des bombes à des endroits pour tuer des innocents, des femmes et des enfants et des vieillards. Ça n'a rien à voir avec le djihad fi sabilillah. Le djihad, comme j'ai dit, fi sabilillah, c'est le djihad qui est fait derrière le dirigeant et derrière une bannière et qui est fait selon les règles et les conditions de l'islam et de la charia. Et les groupes de takfir et les groupes de khawarij aujourd'hui qui font, qu'est-ce qu'ils font? Il faut juste clarifier aux musulmans et aux kuffars en même temps que ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec la religion et que c'est contraire. Et donc, il mentionne le verset 5 dans Surah Tawbah, « فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » Et donc, tuez les mushrikines où que vous les trouviez, prenez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Donc ça, c'est un verset clair dans Surah Tawbah, qui mentionne ce principe de djihad, hein, et ça s'applique bien entendu aux combattants parmi les mouchriquines. C'est pas que, comme certains qui s'imaginent que, qu'est-ce qu'ils font, ils sortent dans la rue avec une arme ou avec quelque chose, puis ils commencent à tirer sur les civils, hein, et ils font ça sans qu'ils soient dans une situation de guerre ou de djihad. Et c'est ça, tout ça, ça vient des bid'ahs des gens, d'égarement parmi les groupes de Khawarij qui sont apparus à notre époque, hein, dans les pays musulmans, puis ensuite qui se sont propagés un petit peu partout. Hein. Maintenant, c'est ça qui est arrivé, on a vu ici dans ces pays, comme en Europe, ou même dans les pays musulmans, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on est dans un pays de kufr, donc on est chez les kuffars, on a le droit de voler leur biens, on a le droit de prendre leurs femmes, on a le droit de faire qu'est-ce qu'on veut, tout ça c'est halal parce qu'on est dans Dar Harb. Et ils essaient d'argumenter là-dessus. Et donc, ils pensent qu'ils ont le droit de tuer, de voler, de faire le désordre sur la terre, et ils pensent que ça fait partie du djihad. Ils n'ont respecté aucune des conditions, et aucune des règles. Il n'y a aucun parmi les ulama de l'islam qui dit ce que ces gens-là ont dit. Et ils suivent des gens qu'on leur demande, c'est qui vos ulama? C'est qui les gens vers qui vous retournez pour trouver des fatwas pareils? Et ils vous disent, ben, je peux pas donner les noms parce que ils sont cachés, ou bien ils sont quelque part, ou bien ils sont dans la montagne, ou bien ils sont dans la prison, ou bien ils sont dans une grotte, des choses de ce genre. Des inconnus, des gens ignorants, des gens inconnus, hein, qui n'ont aucune base, aucune science. Et ils laissent de côté les fatwas des ulama. Et certains parmi eux, ils vont vous dire, ben on prend des grands ulama comme Cheikh Abdul Aziz, Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans les questions de, yani, qui ont rapport avec Al-Tahara, Al-Salah, Al-Halal ou Al-Haram, des choses comme ça. Mais quand c'est question politique ou des questions de combat ou de lutte ou de djihad ou des choses de ce genre, là on ne prend pas d'eux, on ne leur fait pas confiance. Ça c'est la voix des gens de Bid'a parmi les Khawarij contemporains. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et regardez qu'est-ce qui est arrivé comme conséquence de ça. Regardez qu'est-ce qui est arrivé en Algérie. Regardez qu'est-ce qui est arrivé en Égypte. Regardez qu'est-ce qui est arrivé en Syrie, en Irak, en Afghanistan et dans beaucoup d'autres pays. Tout ça, c'est le résultat de ces idées de takfir et de ces idées de Khawarij qui sont propagées dans les pays musulmans dans les dernières années. Et c'est, tout ça, ça a été utilisé par les koufars pour justifier et aller leur agression contre les musulmans et contre les pays musulmans. Donc nous, quand on parle du djihad, comme le cheikh il le dit, on comprend que derrière le djihad, il y a une sagesse, et c'est le djihad dans le but d'éliminer le shirk. Ces gens-là qui tuent là, c'est pas pour éliminer le shirk. Ils se tuent parce qu'ils ont une rage dans le cœur, ils veulent juste se venger. Hein? Ils disent, oh, on nous tue, donc nous aussi on veut tuer. Ça, c'est pas ça l'esprit, c'est pas ça qui est le but derrière le djihad. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui parmi les mouchriquins qui avaient tué des gens de sa famille parmi les musulmans, hein, quand il les a combattus, quand ils sont arrivés, quand il était devant eux et qu'il avait la force, il était capable de tous les écraser, hein, il s'est pas vengé sur eux, hein. Du moment qu'ils ont dit là, ilaha illallah, tout ce qu'ils avaient fait auparavant, avant l'islam, c'était pardonné, c'était effacé, c'est devenu des frères maintenant. Hein? Et donc quand il est arrivé à la Mecque, il n'a même pas fait couler une goutte de sang. Hein? Il a pris la Mecque et quand les gens ont vu la miséricorde, hein, après tout le mal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait souffert, hein, de la main de ses mouchriquins à la Mecque, et qu'il est arrivé avec l'armée, qu'il a repris la Mecque et qu'il a détruit les idoles, hein, il avait le pouvoir, s'il voulait, de tous les exterminer. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas vengé pour lui-même. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère pour lui-même. Et il ne se vengeait jamais pour lui-même. Hein, jamais pour sa personne ou pour quoi que ce soit de ces choses-là. Hein, tout ce qu'il faisait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand ces gens-là ont vu ça et qu'ils ont accepté l'islam, tout ce qu'ils avaient fait auparavant, ça a été pardonné et oublié, effacé complètement. Et donc le but du djihad, c'est d'enrayer le shirk, l'adoration des idoles, l'adoration des statues, l'adoration des saints, l'adoration des morts, l'adoration des djinns, l'adoration des shayatins, l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sihr et les fausses croyances, hein, tout ce qui est contraire au tawhid, à la aqidah, c'est ça le but principal, hein, de ce djihad. Et pour qu'il n'y ait plus de fitna, parce que la base de tous les problèmes, de toute la fitna, c'est le shirk. Hein? Donc pour qu'il n'y ait plus de fitna, et pour qu'il n'y ait plus de shirk, et pour que la religion soit toute entière pour Allah seul. Et c'est ça le but du djihad. Et le but du djihad, le cheikh il dit, c'est pas d'élargir notre territoire, d'avoir des conquêtes, hein? D'avoir une plus grande terre, hein? C'est pas ça le but. Hein, c'est pas d'avoir plus de biens, d'acquérir de la richesse, de faire des butins, hein. Donc c'est pas ça le but. Le but derrière, c'est d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'éliminer et d'enrayer le shirk. C'est ça le but. Et donc, le shaykh dit, wa kadhalika laysa al-maqsoud min al-jihad fi l'islam al-difa' kama yaquluhu ba'd al-kuttab al-makhzulin. يقولون إن الإسلام لا يأمر بقتال الكفار لأنه وحشية ولكن القتال الذي في الإسلام من أجل الدفاع يعني إذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم لصد العدوان فقط سبحان الله الله جل وعلا يقول فاقتلوا المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله المقصود من القتال في الإسلام نشر الدعوة ونشر الدين وإزالة الشرك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله هذا هو المقصود منه فالقتال في الإسلام على نوعين النوع الأول قتال دفاع عند عجز المسلمين والنوع الثاني قتال طلب عند قوة المسلمين وقدرتهم عليه. Donc le cheikh il dit que, bon là il explique qu'il y a une autre, il y a une catégorie parmi certains musulmans qui disent que le djihad c'est juste pour par la défense. Et on retrouve ça souvent chez certains auteurs ou certains écrivains parmi les modernistes ou parmi les soi-disant réformateurs, comme parmi les Ikhwan surtout aujourd'hui. Ils disent non, le djihad c'est juste par défense, hein, c'est pas pour commencer le combat, on n'a pas à partir nous, en premier. C'est toujours quand on nous attaque, nous on se défend seulement. Et il dit que ça c'est des gens qui disent ça, qui sont complexes en réalité. C'est des gens qui sont pris par un complexe. Il dit que parce que c'est faux de dire que l'islam nous ordonne seulement de combattre les koufars parce que c'est par défense seulement. On a des preuves que même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit dans le Coran, de partir au combat, hein, combattez les mouchriquins, dans le verset 5 dans surat Tawba, et dans le verset 39 dans surat Al-Anfal, combattez-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, et que la religion tout entière soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des versets au début de l'islam qui interdisaient le djihad, parce que les musulmans étaient faibles, ils n'avaient pas la force, au tout début, donc le djihad à la Mecque, c'était interdit, hein, pourquoi? Parce que les musulmans étaient faibles. Donc là, dans la situation où les musulmans sont faibles, ils vont pas commencer le combat ou partir au combat contre les mouchriquins puisqu'ils risquent de se faire écraser. Ensuite, il y a d'autres versets qui expliquent que par la suite, quand les musulmans sont devenus plus forts, ils avaient le droit de se défendre s'ils étaient agressés. Et par la suite, à la fin, il y a eu des versets qui ordonnaient les musulmans de combattre les mouchriquins. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً. Et d'autres versets également qui ordonnent de combattre les mouchriquines sans condition. Donc c'est pour dire que, donc quand je dis sans condition, c'est dans le sens sans que ce soit parce qu'ils nous ont agressés en premier. Mais bien entendu avec les conditions de l'islam, c'est-à-dire comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec le dirigeant derrière la bannière, avec la capacité, etc. Mais pourquoi ils mentionnent seulement les versets de l'étape où Allah subhanahu wa ta'ala avait permis aux musulmans de se défendre lorsqu'ils étaient agressés, et ils ne mentionnent pas les versets qui sont révélés par la suite, qui ordonnent aux croyants ou aux musulmans de combattre en premier. Donc, c'est comme s'ils ne prennent pas en considération l'ordre dans lequel les versets ont été révélés et les étapes dans le djihad tel qu'il a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, et ils prennent juste les versets qui ont été révélés au moment où Allah avait permis aux musulmans de se défendre lorsqu'ils étaient agressés, et ils mettent de côté les autres. Donc c'est une forme de talbis qu'ils utilisent pour tromper les gens. Et donc le cheikh il dit ensuite wal maqsoud, hein, le but dans le djihad dans l'islam et le combat dans l'islam, c'est de répandre la da'wah, de propager la religion et d'éliminer le shirk. Et il cite encore le verset 39 dans surat Al-Anfal, il dit que c'est ça le but, hein, d'enrayer la fitna, c'est-à-dire le shirk. Donc le shirk dit le combat dans l'islam, il est de deux catégories. La première catégorie, c'est de combattre pour se défendre lorsque on est faible. Lorsque les musulmans sont faibles, là, dans ce cas-là, oui, ils vont se défendre. Mais lorsqu'ils ont la force, là, il y a qu'est-ce qu'on appelle qital ou talab, ou djihad talab. Ça, c'est quand les musulmans sont forts, ils ont la capacité, là, ils vont entrer chez les kuffars et combattre pour établir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, la deuxième mas'ala, la mas'ala tuthaniya, parmi les points qui ont rapport avec mas'ala al-jahiliya. Tafarruq ahl al-jahiliya fi ibadatihim wa dinihim. C'est-à-dire la division ou les différences qui existent entre les gens de la jahiliya dans leurs adorations et dans leur religion. Le fait qu'ils sont tous divisés dans leurs pratiques religieuses, dans leur religion, hein, et dans leurs adorations. Hein, ils ne sont pas unis dans la foi, ils ne sont pas unis sur une seule croyance, une seule compréhension de la pratique ou de la religion. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Innahum mutafarriqoun fi dinihim » كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم يرون أن ذلك هو الصواب فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا donc le cheikh il explique il dit que les mushrikin et les gens de la jahiliya ils étaient tous divisés dans leur religion et il mentionne le verset 32 dans sourate ar-rum dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit chacun d'entre eux chaque groupe d'entre eux se réjouit de ce qu'ils ont avec eux de ce qu'ils possèdent il mentionne que le cheikh Mohamed Abdul Wahhab il dit c'était ainsi qu'ils étaient dans leur vie dans la dunya ils considéraient que c'était ça qui était correct chacun a sa religion et chacun est content de ce qu'il a avec lui comme religion et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a opposés sur ce principe là et il a ramené le fait de s'unir hein, de se réunir et de s'unifier sur la croyance et sur la religion hein. Et il mentionne le verset 13 dans surat Ash-Shura Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a légiféré pour vous la religion qu'il avait enjoint à Noé et ce qu'on a révélé sur toi et ce qu'on avait enjoint à Ibrahim et à Moussa et à Isa et c'est quoi cette religion an aqimud din wa la tatafarraqu fi c'est-à-dire d'établir la religion et de ne pas vous diviser dessus hein, de ne pas vous diviser dans la religion kabura ala al mushrikeena ma tad'uhum ilayh hein ça c'est la suite du verset. C'est-à-dire pour eux c'est quelque chose d'impensable, yani, le fait de s'unir sur la religion, pour les mouchriquins c'était impensable cette idée-là. Hein? Ils ne pouvaient pas considérer une chose pareille. Et il mentionne un autre verset dans Surat Al-An'am, le verset 159, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, hein, tu n'as rien à voir avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, tu n'as rien à voir avec eux, tu n'as rien à faire avec eux. Et il nous a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de ressembler aux gens de la jahiliya dans leur division. Et il mentionne le verset 105 dans Surat Al-Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves claires et évidentes leur furent présentées ou leur furent apportées ou amenées. Et il nous a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous diviser dans la dunya. Et il mentionne le verset 103 dans Surat Al-Imran, hein, cramponnez-vous tous au câble d'Allah, hein, et ne vous divisez pas. Donc, le cheikh, il explique, maintenant le cheikh Al-Fawzan, il explique ce principe-là. Et vous allez voir qu'il y a des parallèles entre l'état des gens de la jahiliya sur ce point-là, et la réalité de la société laïque, telle qu'elle est prêchée, hein, dans les sociétés laïques. الشيخ يقول هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وهي أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم وفي دنياهم وصفتهم التفرق والاختلاف كما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذه صفة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين وسائر الملل الجاهلية كانوا على هذا النمط متفرقين في دينهم كل منهم له دين ينادي به وينتسب إليه النصرانية تدعو إلى النصرانية واليهودية تدعو إلى اليهودية وكل من الديانتين يكفر الديانة الأخرى كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون هم المشركون لأنهم لا كتاب لهم وليس لهم دين سماوي وهم أيضا يكفر بعضهم بعضا ويخالف بعضهم بعضا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي بين الله سبحانه وتعالى من هو على الحق ومن هو على الباطل ودين الله واحد كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون donc le cheikh il dit que ce deuxième point hein, parmi les points de la jahiliya c'est les questions sur les c'est un point sur lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a opposé et a contredit les gens de la jahiliya C'est-à-dire que les gens de la Jahiliya étaient tous divisés dans leur religion et dans leur dunya. Ils étaient tous divisés. Hein? Et ça fait partie de leurs caractéristiques qu'ils sont divisés, ils sont sur la division et sur la divergence. Et pour eux c'est bon et c'est normal, ils aiment ça. Hein? Ils acceptent la divergence et la division pour eux, c'est pas un problème. Au contraire, c'est quand tu appelles à l'union et à réunir les gens sur une même croyance, là ils disent là il y a un problème, toi t'es pas normal, tu veux unir les gens. Tu veux que les gens croient tous en la même chose, c'est fou, hein. Les gens, ils pensent comme ça aujourd'hui. Que si tu appelles les gens à croire la même chose, ils disent, mais non, il faut qu'il y ait de la divergence, il faut qu'il y ait de la diversité, il faut qu'il y ait des gens qui pensent différemment. Tout le monde ne peut pas penser la même chose, hein. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc, le cheikh, il mentionne comme verset, le verset 31 à 32 dans Surat al-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne soyez pas comme les mushrikins, ou parmi les mushrikins. Ne soyez pas du nombre des mouchriquins, de ceux qui divisent leur religion et qui deviennent des sectes. Chaque groupe se réjouit de ce qu'il possède. Et ça, c'est la description des gens de la Jahiliya parmi les juifs et les chrétiens et les adorateurs d'idoles. Hein? Et de la majorité des gens de la Jahiliya, des religions de la Jahiliya. Hein? Les juifs et les chrétiens, ça on le voit, sont tous divisés entre eux. Et les wassaniyins encore plus. Que chacun ils ont une idole différente qu'ils adorent. Et juste pour vous donner l'exemple, en Inde, eh bien, ils ont des milliers d'idoles différentes, et même dans la même famille parfois, dans la même maison, il y a différentes idoles que des personnes adorent. Donc, ces gens-là, pour eux, la divergence dans la religion, c'est pas un problème. Hein, ils considèrent ça comme étant correct. Donc, ils sont tous divisés dans leur religion, et yani, chacun d'entre eux, ils ont une religion auquel ils invitent les gens, et il s'attribue à cette religion-là, où ils disent « je fais partie de cette religion-là ». Donc le chrétien, hein, il appelle au christianisme. Le juif, hein, bon, ils appellent au judaïsme, mais on ne l'entend pas. Hein. En tout cas, s'il y a une da'wah chez les juifs, moi je ne l'ai pas entendu, mais en principe ils ne font pas de da'wah les juifs, parce qu'ils considèrent qu'ils sont sur le haq depuis. C'est quelque chose qui est de mère, ça vient par la mère. Si ta mère est juive, alors ça y est, t'es juif. Même si tu pratiques pas ou tu crois pas en Dieu, hein, c'est pas grave. À l'époque actuelle, c'est devenu comme ça, les juifs. Hein? Mais c'est pour dire. Peut-être qu'il y a une époque où les gens appelaient au judaïsme. En tout cas, j'ai vu des juifs appeler d'autres juifs. Hein? À Montréal, des fois, ils viennent comme ça sur la rue, ils ont une petite table, et il y a un groupe comme ça, là, qui avait leur rabbin à New York là qui était Lubovitch, je sais pas quoi, en tout cas, eh ben il donnait $1 à chaque juif qui venait le visiter. Il remettait $1 à chaque juif qui venait le visiter. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de ramener les juifs à la pratique du judaïsme. Et puis ils se mettent sur la rue le vendredi avant le début de leur Shabbat. Puis ils distribuent des petits pamphlets, des petits trucs. Et puis ils appellent les gens qu'ils arrêtent sur la rue, qu'ils voient que c'est des juifs, ils leur appellent pour venir pour faire une petite prière avec eux et des trucs de ce genre. Donc, il y a cette da'wah-là, on voit quand même, on peut dire oui c'est vrai, il y a une da'wah chez les juifs, mais elle se limite aux juifs. Hein, ils rappellent les juifs seulement, pas les non-juifs en général. Puis, وَكُلُّ مِنَ الدِّيَانَتَيْنِ يُكَفِّرُ الدِّيَانَةَ الْأُخْرَى Et chacune de ces religions-là, les juifs, ils déclarent les chrétiens kuffars, les chrétiens, ils déclarent les juifs kuffars, et ça, c'est juste un exemple par rapport à ces deux religions-là, mais à l'intérieur même du christianisme, hein, il y a des groupes de chrétiens qui déclarent d'autres chrétiens kuffars, et ainsi de suite. Hein, les témoins de Jéhovah, ils disent que les catholiques sont kuffars, les protestants disent que les catholiques sont kuffars, et les catholiques disent que les protestants sont koufars, donc ils se déclarent tous koufars les uns les autres. Hein. Et entre religions, comme ça, c'est la même chose. Hein. Les bouddhistes, les hindous, les chrétiens. Bon. Et ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a des parallèles avec la société ici. Puisque, soi-disant, on donne la liberté à toutes les religions. Hein, et ils prétendent qu'elles ont tout le droit d'appeler à leur religion, ou de pratiquer leur religion, ou de prêcher leur religion. Mais elles sont toutes les unes contre les autres, puis elles disent toutes que l'une est contre, que l'une est fausse, et des choses de ce genre. Donc, ça amène, bien entendu, la division. Ça, c'est normal. Et pour eux, c'est accepté. Hein, c'est accepté. Alors que dans le passé, quand la France était catholique, seulement catholique, il n'y avait rien d'autre que le catholique, eh ben, si quelqu'un parmi les musulmans voulait essayer de venir s'installer ici ou commencer à prêcher, faire la da'wa à l'islam, ben, il n'allait pas vivre longtemps. Hein. Donc, il a fallu que, hein, comme il y a eu des gros changements avant ça, pour que des musulmans commencent à venir ici. Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit donc que ça, c'est exactement qu'est-ce que Allah a décrit dans Surat al-Baqarah, le verset 113, quand il dit, les juifs ont dit que les chrétiens ne se tiennent sur rien. Et les chrétiens ont dit que les juifs ne se tiennent sur rien. Alors qu'ils lisent le même livre. Hein? Vous savez, les juifs, les chrétiens, ils ont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils lisent le même livre que les juifs. Et pourtant, ils se font taxer les uns des autres. Donc, ça, c'est un exemple. Et, après, il dit, الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ. Donc, après, donc, ils récitent le même livre, et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ainsi que disaient ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas. Et le cheikh, il dit, ensuite, ceux qui ne savent pas, ce sont les mushrikoun. Donc, les juifs et les chrétiens, ils agissent de la même manière que ceux qui ne savent pas, parmi ceux qui n'ont pas reçu de livre. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mushrikoun n'ont pas de livre. Ils n'ont pas de religion qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens, ce ne sont pas de livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala qui supportent leur croyance ou leur religion. Et donc, ils se déclarent eux aussi mécréants les uns les autres et ils se contredisent tous les uns les autres dans les questions de religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala va, il mentionne dans le verset 113 dans Surat al-Baqarah à la suite du verset que j'ai mentionné, que Allah va juger entre eux au jour de la résurrection sur les choses sur lesquelles ils divergeaient. Il dit, « Ey, bayan Allah subhanahu wa ta'ala, أي بين الله سبحانه وتعالى من هو على الحق ومن هو على الباطل ودين الله واحد ذلك الله سبحانه وتعالى a clarifié qui est sur la vérité et qui est sur le faux et la religion d'Allah ce n'est qu'une seule religion كما قال تعالى et comme il dit dans le Coran dans le verset 56 dans surat al-Dhariyat je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent et dans le verset 21 dans surat al-Baqarah où vous les hommes adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous pour que vous puissiez atteindre la taqwa. Donc notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna, il nous a ordonné, il ordonne à toute l'humanité d'adorer, de l'adorer. Hein? Il n'a pas dit seulement à une portion de l'humanité de l'adorer, puis les autres ils peuvent adorer autre chose. Il a dit toute l'humanité, Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Donc c'est un message qui est adressé à l'humanité entière, pas seulement une partie de l'humanité en dehors des autres. Fadilullah wahidun li jami' al-khalq. Min yahudiyyin wa nasraniyyin wa wathaniyyin wa arabiyyin wa ajamiyyin. Fadilullah wahid wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika lah. Walakin ha'ula'i farraqu dinahum. وصار لكل طائفة منهم دين يختلف عن الدين الآخر فاليهود أنفسهم كانوا مختلفين فيما بينهم والنصارى كانوا مختلفين كانوا فرقا مختلفة وهم إلى الآن على اختلاف. Donc le cheikh il dit que la religion d'Allah c'est une seule et unique religion pour toute l'humanité, pour toute la création, pour les juifs, pour les chrétiens, pour les idolâtres, les adorateurs d'idoles, pour les arabes, pour les non-arabes, la religion d'Allah c'est la même religion pour tout le monde, ça doit être la seule et l'unique religion pour tout le monde, hein, et c'est-à-dire de l'adorer lui seul et de ne rien associer avec lui. Mais ceux-là se sont divisés dans la religion et ils sont devenus hein, des groupes, et chacun de ces groupes-là diverge l'un de l'autre, hein, et la religion de l'un est différente de celle de l'autre, hein. Et même les juifs entre eux sont divisés, et même les chrétiens entre eux sont divisés, et donc chacun d'entre ces groupes-là est différent de l'autre et diverge avec l'autre, mais jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à être divergents et à se diviser. وكذلك العرب الوثنيون متفرقون في عبادتهم ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. Même les Arabes à l'époque, ils adoraient plein de choses différentes. Ils étaient tous divisés dans ce qu'ils adoraient. Certains adoraient la lune, certains adoraient le soleil, certains adoraient les idoles, les anges, les hommes pieux, les saints, les arbres, les pierres. Donc, ils sont tous divisés là-dedans. هذه من تمام العقوبة والابتلاء كون الإنسان يفرح بما هو عليه من الباطل كان الواجب العكس أن الإنسان يخاف من الضلال ويخاف من الانحراف ويخاف من الهلاك ولكن هؤلاء بالعكس كل حزب بما لديهم فرحون دون النظر إلى كون ما هو عليه حقا أو باطلا المهم أنها نحلة نحلة آبائهم وأجدادهم وقومهم وعشيرتهم لا يهمهم حق أو باطل وهذا من الابتلاء والامتحان إذا فرح الإنسان بالباطل فهذه عقوبة لأنه إذا فرح بالباطل فلن يتحول عنه فلن يتحول عنه. Donc le cheikh il dit que de même que ça c'était l'état des gens de la Jahiliya, les gens du livre, les gens qui n'avaient pas de livre, il n'y avait pas de religion qui les réunissait. Ils n'ont pas de religion qui les réunissent. Ils ont tous des groupes et des partis, comme le verset 32 dans Surat Ar-Rum. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe se réjouit de ce qu'il a avec lui. Donc, ça fait partie des punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des punitions et des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala pour des gens lorsqu'ils se réjouissent de la fausseté qu'ils ont. Le cheikh il dit chaque être humain se réjouit de ce qu'il a de faux avec lui. Au contraire, qu'est-ce qui était nécessaire, qu'est-ce qui était obligatoire, c'était plutôt le contraire, d'être triste, d'avoir une fausse, d'être sur la fausseté, de s'attrister de ça. Et il dit que un homme, il doit craindre l'égarement, il doit craindre de dévier, il doit craindre de périr, mais ceux-là c'est le contraire, ils se réjouissent. Donc, ils se réjouissent de ce qu'ils possèdent avec eux, sans prendre en considération est-ce que c'est la vérité qu'ils sont en train de suivre ou est-ce que c'est le faux. Ils ne prennent pas en considération. Tu vois les chrétiens qui se réjouissent de ce qu'ils possèdent. Les catholiques qui se réjouissent de ce qu'ils possèdent, les protestants qui se réjouissent de ce qu'ils possèdent, les juifs, les hindous, toutes les autres croyances qui se réjouissent de ce qu'ils possèdent, sans parler des groupes à l'intérieur de l'islam qui se réjouissent des bid'ahs qu'ils possèdent, ou des fois même des formes de shirk que certains d'entre eux possèdent. Chaque groupe il se réjouit de ce qu'il possède, sans prendre en considération est-ce que c'est vrai ou c'est faux. J'ai beaucoup aimé l'exemple que le frère Hassan Abu Asma il a donné hier soir quand il a parlé des voix. Quand tu arrives devant une série de voix, ça c'est comme les différentes religions, elles sont toutes différentes les unes des autres. Puis il y a la voix de l'islam parmi ces voix là donc tu rentres dedans, et puis une fois que tu es dans la voie de l'islam, maintenant il y a des différentes enseignes, des différents panneaux. Ça c'est à l'intérieur même de cette voie-là, il y a des voies qui t'amènent vers l'égarement. Donc, c'est-à-dire, il y a des chemins qui te font quitter ce chemin-là vers l'égarement. Il faut faire attention. Donc, ça c'est par rapport au groupe à l'extérieur de l'islam, parmi les religions de Kufr et de Shirk, et à l'intérieur, parmi les gens qui sont à l'intérieur de l'islam, qui se disent musulmans, il y a des sectes et des groupes qui appellent à la bid'ah et à l'égarement. Donc chacun dans ces groupes-là, ils se réjouissent de ce qu'ils possèdent avec eux, sans prendre en considération est-ce que c'est haq ou batil. Pour eux, l'important c'est que c'est la voie de leurs pères, de leurs ancêtres, c'est ça qu'ils suivaient, c'est ça que leur famille suivent, c'est ça que leurs parents suivaient, c'est ça que leur peuple suivait, c'est ça que les gens de mon pays suivent, hein, alors c'est ça que je fais. Hein. Je me rappelle une fois, j'avais dit à un musulman qui venait d'un pays musulman, et elle est par rapport, parce qu'il voulait célébrer le Maulid al-Nabawi, bah oui. Je lui ai dit, ça c'est pas permis de le faire, puisque c'est une bid'ah. Il m'a dit, oui, mais dans mon pays, on le fait. Je lui ai dit, si c'est ça la preuve, alors chacun va pratiquer qu'est-ce qui se fait dans notre pays. Et ça veut dire que, on retourne pas au Coran et à la Sunna, là il y a un problème. Après il dit, pour eux c'est pas important, est-ce que c'est vrai ou faux. Ils regardent pas est-ce que le Maulid c'est vrai ou faux. Ils regardent juste, est-ce que c'est dans mon pays, oui ou non. C'est dans mon pays, ok, je le fais. Non, ça c'est pas correct. C'est pas ça la référence. Et donc, le cheikh il dit ça fait partie de l'épreuve. Et en fait, c'est une punition, hein, pour ces gens-là, yani, qui se réjouissent de la fausseté qu'ils sont en train de suivre. Hein, ils se réjouissent de la fausseté qu'ils sont en train de suivre. Et il y a plein de gens, même. Je sais, moi, même dans ma propre famille, il y en a quand on les appelle à l'islam, ils disent, oui, mais si j'accepte l'islam, ça veut dire que tout ce que mon grand-père suivait, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, qu'est-ce qu'ils ont suivi pendant tous ces siècles, ça veut dire que c'était faux. Il refuse d'accepter ça. À cause de ça, il ne veut pas accepter l'islam. Subhanallah. Hein? À cause de son attachement à la voix de ses ancêtres. Comme Abu Talib, hein? Quand il a refusé de dire la ilaha illallah. Hein? Il n'a pas voulu admettre que la voix de ses ancêtres, c'était la fausseté. Hein, à cause de ça, il a refusé de dire la ilaha illallah. Donc ça, c'est dangereux et c'est grave. Après, le cheikh il dit, هذه صفة أهل الجاهلية والله جل وعلا نهانا عن ذلك. فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأنزل على رسوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الذي شرعه الله إقامة الدين الذي هو دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وهو دين الأنبياء جميعا. ولكن ذكر هؤلاء لأنهم أفضل الرسل وأولو العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم هم أولو العزم وأفضل الرسل وأخذ الله الميثاق على جميع الرسل وعلى الخصوص وعلى هؤلاء الخمسة وعلى الخصوص على هؤلاء الخمسة. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وجميع الرسل دينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا دين جميع الرسل عموما والخمسة خصوصا لا يقبل الاختلاف ولا التفرق لا يقبل الاختلاف ولا التفرق. فلا يكن لكل واحد دين ولا لكل طائفة دين وإنما دين الجميع واحد وهو دين الله جل وعلا على جميع الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc le cheikh nous a montré qu'est-ce que c'était la situation des gens de la jahiliya. Maintenant il nous explique qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené et c'est quoi l'ordre de l'islam. Il dit ça c'était la description des gens de la jahiliya et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'être comme eux, nous a interdit de leur ressembler dans ça, hein, et il nous a ordonné, il dit dans le Coran, ne soyez pas comme les mouchriquins, comme ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, hein, des groupes qui se sont divisés. Les versets 31 et 32 dans Surat Ar-Rum, comme on les a déjà cités ces versets-là, hein, ceux qui divisent leur religion, qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux, hein, et leur sort appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, puis il va leur informer de ce qu'ils faisaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé également à son messager, dans le verset 13 dans Surat al-Shura, le verset qu'on a cité tout à l'heure, que Allah a légiféré pour vous, a légiféré pour vous comme religion, ce qu'il a enjoint à Noé, et ce qu'il a révélé sur toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on a enjoint à Ibrahim et à Moïse et à Isa, d'établir la religion et de ne pas se diviser dedans. Et donc, ça c'est la religion qu'Allah a légiféré. D'établir la religion, c'est-à-dire la religion de Noé, de Ibrahim, de Moussa, de Isa et de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ça c'est la même religion pour tous les prophètes. Pour tous les prophètes et pour ces prophètes-là en particulier. Hein. Et pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs parmi les prophètes, ce sont les plus importants parmi eux. Noé, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris le pacte et l'engagement, l'entente avec tous les messagers, mais avec ces cinq messagers-là en particulier, comme il le dit dans le verset 7 dans Surat al-Ahzab. Hein, et lorsqu'on a pris le pacte des prophètes et de toi, ainsi que de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, hein, et donc ça c'est pour montrer qu'il a pris le pacte de tous les messagers et que tous les messagers, leur religion c'est une seule et même religion, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de différence entre les prophètes dans leur message, et donc il n'y a pas de raison que l'humanité diverge dans leur religion, il n'y a pas d'excuse pour que les êtres humains soient sur des religions différentes, puisque tous les messagers d'Allah sont venus avec la même religion. Donc, cette religion-là, c'est quoi? C'est d'adorer Allah seul et de ne rien associer avec lui. C'est ça la religion d'Allah. L'islam, c'est ça l'islam. D'adorer Allah seul et de ne rien associer avec lui. Hein? Et ça, c'est la religion de tous les messagers en général. Hein? Et de ces cinq messagers-là en particulier. Et la divergence et la division dans la religion n'est pas acceptée. Hein? C'est comme il y en a aujourd'hui qui disent il faut accepter la diversité, il faut accepter le pluralisme, il faut accepter la différence entre les hommes. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que hein, c'est ce que Allah a voulu. Hein. Et ça, on sait que c'est al-irad al-kawni, hein, c'est la volonté hein, universelle, la volonté dans ce que Allah a créé. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, ça ne veut pas dire qu'il l'aime et qu'il l'agrée. Hein, puisqu'il nous a interdit d'être divisés dans la religion, et qu'il nous a interdit hein, d'adorer autre que lui et de se diviser dans la religion, il nous a ordonné de suivre l'islam et de suivre l'exemple de la croyance et de la foi des messagers. Hein, donc le fait que la divergence existe, c'est pas une preuve qui justifie que c'est correct de rester divisé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la division pour nous mettre à l'épreuve et pour nous tester, pour voir qui va être sincère et qui va être qui va pas vouloir justement suivre le haq, qui va s'égarer ou s'éloigner de la vérité. Donc il a créé, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Ils seront toujours divergents, hein, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et c'est pour ça qu'Allah les a créés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la divergence elle existe, mais il nous a ordonné de suivre la vérité et de ne pas se, il nous a interdit de nous diverger, de nous diviser et de diverger. Comme par exemple, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé par exemple le kouf et le shirk et tout ce qui existe par exemple dans l'univers, il a créé le porc, il a créé des choses et puis il les a interdites ces choses-là et il nous a dit qu'il les déteste ces choses et qu'il ne les aime pas et qu'il n'aime pas ceux qui les pratiquent. Hein, et ceux qui les font. Donc le fait que quelque chose existe et que cette chose-là est haram, et que, c'est quelque chose, que cette chose-là elle est impure ou mauvaise, ça ne veut pas dire que Allah l'aime ou qu'il l'agrée, mais ça veut dire que c'est une épreuve et que c'est un test hein, pour les mu'minines et qu'ils doivent s'en écarter. Contrairement à ceux qui disent qu'il faut accepter ces choses-là parce que Allah les a voulu. Hein. Si il les a voulu, mais s'il les a voulu dans sa création, ça ne veut pas dire qu'il les a légiférés, qu'il les a agréés, qu'il les aime. Hein? Et c'est ça quand les ulama expliquent la différence entre al-irada al-kawniya ou al-irada al-shar'iya. Ils expliquent que, yani, al-shar'iya c'est qu'est-ce qui est aimé par Allah et qu'est-ce qu'on peut connaître par la révélation. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser. en ce qui concerne Al-Kawni, c'est une épreuve pour nous, c'est un test de ce qu'Allah a créé hein, dans la création. Donc ça, il faut distinguer entre ces deux choses-là, et la divergence, elle existe, mais Allah ne l'aime pas, et il ne la veut pas hein, pour nous en tant que croyants. Donc Allah n'aime pas que chaque groupe ait sa propre religion, chaque individu ait sa propre croyance, surtout avec les croyances actuelles. Les kuffars ont ramené des idéologies très graves, encore plus graves que celles qui étaient auparavant. L'individualisme, c'est-à-dire chaque individu, il peut croire ou penser comme il veut et avoir sa propre idée ou sa propre pensée ou sa propre croyance. L'existentialisme, encore pire. Hein, quelqu'un il détermine lui-même qu'est-ce qu'il considère comme étant bon ou mauvais, sans se référer à une religion, sans se référer à la culture, sans se référer au contexte social, sans se référer à quoi que ce soit de ce qui est autour de lui. Et il doit aller contre ce qui est autour de lui, selon ce qu'il croit, selon ce qu'il veut, selon ce qu'il pense, sans se soucier de ce qui est autour de lui. Aller contre les mœurs, aller contre tout, aller contre la morale de ce que les gens ont dit. Parce qu'il dit ça, c'est la société qui nous l'impose et on n'a pas à se soumettre à ce que la société nous impose. Il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on pense et de ce qu'on veut faire et croire qu'on est libre absolument. Il ne faut pas croire que, il faut pas croire qu'il y a des interdictions. Ça, c'est des idées qui sont propagées chez les koufars et il y en a qui vivent selon ces principes-là et ces idées-là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui s'opposent farouchement et aller aux principes de l'islam qui ordonnent aux hommes de s'unir et non de se diviser. Donc, c'est ça. Donc, tous les prophètes, tous les messagers sont venus avec le même message de base, avec la même religion, et c'est une seule et même religion, une religion unique. Et c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis on continuera la suite à la prochaine intervention, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Puis dans quelques instants, le frère Hassan il va venir pour faire sa partie, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.